بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سندخل في الدرس الحادي عشر. 11 لسون. قال في السؤال 49. 49e question. أين الله وما الدليل؟ Où est Allah et qu'en est la preuve? Question qui pose problème à ceux qui n'ont pas une croyance authentique, comme on peut le trouver chez beaucoup de gens de l'innovation et beaucoup de gens ignorants. Donc cette question est importante. On a trouvé des gens comme ce Hassan Iqtosen qui disait qu'il n'y a pas d'importance à savoir cela. Si ce n'était pas important, Allah Azzawajal ne nous l'aurait pas dit. Il n'y a pas une chose qui nous a été affirmée dans le Coran et dans la Sunna sans qu'elle soit importante, surtout en ce qui touche au droit d'Allah Azzawajal. Mais si eux n'apportent pas d'importance à cela, cela les concerne. C'est pour ça que tu les vois comme étant des gens déviés. Dans le Coran, Allah a dit où est-ce qu'il était. Kafikoli Azzawajal, Ar-Rahman, Alal Arsh, Istawa. Le miséricordieux qui est instauré sur le trône. Donc Allah est dans les cieux. On dira plutôt aux cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Il n'est pas à l'intérieur des cieux. Qu'on dit dans les cieux, c'est une traduction lafziya, mais le plus correct de dire, c'est qu'il est aux cieux, dans le sens au-dessus des cieux. Au-dessus de son trône. D'accord ? Au-dessus de son trône. Taha, verset 5. Wa qawlu ta'ala, amintum man fis samaa an yasri an yarsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Et dans le sens où Allah dit, et pensez-vous, ou vous sentez-vous à l'abri de celui qui est aux cieux, qui vous engloutisse dans la terre. Al-Mulk, la royauté, verset 16. Et dans le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, al-Sulami, qu'il dit qu'il avait une jeune servante qui avait été inattentive, par la cause de laquelle un loup s'empara d'un de ses moutons. Donc il la frappa et la gifla. Puis par la suite, il regretta. Il se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander comment expliquer sa faute. Il lui dit « Itini biha, ramène-la moi. Viens avec elle. » Fa'ataytuhu biha, donc il est venu avec elle. Faqala laha ayna Allah. Regardez, première question qu'il lui dit, où est Allah? Qalat fi sama, elle a dit aux cieux. Qala man ana, qui je suis? Qalat anta rasulullah. Elle lui dit, tu es le messager d'Allah. Qala atikha fa innaha mu'mina. Il a dit, libère-la. Même abolis-la car elle est une croyante. Et le hadith rapporte à un musulman. Maintenant, des gens qui sont malades ont voulu faire croire que ce hadith n'était pas authentique alors qu'il est authentique. D'accord ? Et quand bien même il ne l'aurait pas été, il y a plein d'autres preuves qui démontrent qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. Comme avec Allah Shaykh al-Islam, Rahmanahu Ta'ala, fi majmou' al-Fatawa, qala bi mukhtasar que les grands savants parmi les Assad de Shafi'i, Rahmanahu Ta'ala, on dit que dans le Coran, il y a plus de 1000 preuves. Plus de 1000 preuves indiquant que Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de sa création. Et qu'il est au-dessus de ses serviteurs. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous, au-dessus de toute la création, donc au-dessus des cieux. Et les preuves sont très nombreuses. L'auteur n'a cité que celle-ci. Thumma qala fi as-su'al al-khamsin. Hal Allahu ma'ana ? Est-ce que Allah est avec nous ? C'est-à-dire, bi-dhatihi, dans son essence. قال في جواب السؤال معنا بعلمي il est avec nous mais par son savoir, par sa science. وإحاطته وسمعه ورؤيته. Donc il est par son savoir qui entoure toute chose, par son ouïe et par sa vue. Donc Allah voit tout, il entend tout et sa science entoure toute chose. Donc de la sorte il est avec nous. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Donc il est avec vous où que vous soyez, que Allah est parfaitement croyant de ce que vous faites. Al-Hadid le fait à verset 4. Donc des gens, soit ignorants ou soit au cœur malade, ont interprété ce genre de verset comme voulant faire croire que Allah est dans sa création. Chose qui est impossible. Que la création englobe le créateur. D'accord ? Donc cette croyance est une croyance qui est, on appelle cela le hululiyya. De mettre Allah dans la création. Et c'est la croyance des Nasara, des chrétiens qui disent que Allah est en Isa. Et dans le Saint-Esprit et autres. Donc cette croyance-là, elle est fausse. Et les adilés sont là présents. Donc là, ce qu'il dit, Allah est avec vous, où que vous soyez, c'est-à-dire qu'il vous voit. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Qu'il est Allah dans les cieux et dans la terre, c'est-à-dire l'adorer. Celui qu'on adore dans les cieux et dans la terre, ou sur terre plutôt. Il connaît vos secrets, il connaît ce que vous laissez apparaître, et il sait ce que vous accomplissez. Donc là, le verset explique à la fin que Allah sait. Donc il est avec nous par quoi? Par son savoir, par son ilm. Al-An'am, le verset 3. Wa qulu ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Lorsqu'il a dit à Moussa et à Harun, lorsqu'ils ont les envoyés voir Pharaon, qu'ils ont eu peur, il a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. Taha, verset 46. Donc lorsque Allah Azza wa Jal dit qu'il est avec nous, c'est de façon générale avec sa création par sa science, et de façon particulière et spécifique avec ses serviteurs et ses alliés, qu'il est avec eux avec son, par son soutien. Un exemple qu'on donne souvent, qui est connu, lorsque quelqu'un fait une chose et tu lui dis, va, quelqu'un veut accomplir un acte qui lui est difficile, tu l'encourages, tu dis, vas-y, fais-le, je suis avec toi. Ça ne veut pas dire que tu pars avec lui, tu présentes avec lui, mais tu es avec toi dans le sens, je t'encourage, je te soutiens, tu as mon soutien, tu as mon aval dans ce que tu fais. D'accord? Donc là, c'est un sens approximatif. Donc les versets, il faut bien les comprendre. Et également les lier avec les ahadiths pour ne pas tomber dans l'égarement et dans l'erreur. ثم قال هل احد يعلم الغيب غير الله est-ce qu'il existe est-ce que quelqu'un connaît l'invisible et le futur en dehors d'Allah azza wa jall ça c'est سؤال 51 ça continue une question قال في جواب لا يعلم الغيب الا الله nul ne connaît l'invisible et le futur ce n'est Allah والدليل قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون dit nul ne connaît ce qui est dans les cieux et dans la terre comme invisible en dehors d'Allah, et qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. An-Naml, les fourmis, verset 65. Et cela en guise de réfutation à tout ce qui est voyant, devin, médium, comme ils appellent ça, les astrologues, et ce qui s'ensuit, qui prétendent connaître des choses de l'avenir avec les astres, avec les signes du zodiaque, ou avec les boules de cristal, ou avec les cartes, ou avec les trucs dans le sable, et j'en passe, tout cela n'est que mensonge. Et celui qui prétend cela, connaître l'invisible, c'est un kafir. Qu'elle aura démenti le Coran, elle l'aura prétendu, il sera attribué ce qui revient à Allah seul, qui est la connaissance de l'invisible et du futur. Et ce qui a été venu de la part des messagers comme connaissance des choses du futur, ce sont des choses que Allah leur a accordé de savoir. Non. Sans quoi nul ne connaît cela. Ce maqala, في السؤال الثاني والخمسين سكرت ديم كيستيون ما أصدق كلمات قالها شاعر كي لا parole plus véridique qui était dite par un poète قال كلمات لبيد لبيد le poète لبيد قال ألا كل شيء ما قال الله باطل il a dit n'est-ce pas que toute chose en dehors d'Allah est fausse toute chose en dehors d'Allah est fausse والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمات قالها شاعر كلمة اللبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل donc le et cette parole là a été citée dans un hadith selon Abu Huraira que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que la parole la plus véridique dite par un poète c'est celle-ci et le hadith il est متفقون عليه ثم قال في السؤال الثالث وخمسين 53e question Ma a'zamu hasanat. Quelle est la plus grande des hasanat, des bonnes actions? Quelle est-elle? Qal, tawhidullah ta'ala. Le tawhid. Le tawhid est la plus grande des bonnes actions. Wa qala Allah ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu aymanahum imanahum bi dhulmin, ulaika lahum amn wa hum muhtadun. Que ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par de l'injustice, c'est-à-dire le shirk, ceux-là auront la sécurité et ceux-là les bien guidés. Al-An'am, le bestiaux, verset 82. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, qu'Allah s'est mis au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala al-jannah, wa man laqiya wa yushrik bihi dakhala al-nar. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre Allah sans ne lui rien avoir associé, sans avoir commis de shirk, rentrera au paradis. Et celui qui le rencontrera, et qui l'aura associé, entrera au feu. Rawahu Muslim. Et certains ulama disent que le shirk Ashar, Allah Azza wa Jal châtiera quand même celui qui l'aura commis, bien qu'il ne sera pas éternisé dans le feu. Il aura une part du châtiment, mais celle-ci ne sera pas éternelle. Les ulama disent que celui qui fait du shirk Ashar, c'est-à-dire sans en faire tawbah, bien évidemment, sans s'en être repenti, il sera quand même châtié. C'est un qaul qui existe, c'est un avis qui existe. Et ce qui est connu, c'est qu'il est torté machia. Si Allah veut, lui pardonne, s'il veut, il le châtie. Naam. ثم قال في سؤال 54 54e question, ma azam sayiat, le contraire, quelle est la plus grande ou la pire des mauvaises actions? قال في جواب الشرك بالله, l'association ou le polythéisme comme on dit. Le fait d'associer Allah autre que lui dans l'adoration. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que Allah ne pardonne pas qu'on l'associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc celui qui meurt sur le shirk meurt sur la mécréance. On parle du shirk akbar, majeur, comme cela va être cité, biznillah ta'ala, dans les durus qui arriveront. قال وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم, et que le shirk est la pire des injustices. Car tu places une chose, que l'injustice c'est quoi? C'est le fait de placer une chose hors contexte, qui n'est pas à sa place. Donc là, tu prends une adoration, une chose qui revient à Allah seul, et tu la donnes autre que lui. Tu aurais été injuste. Et les mécréants font tout cela. Ils te disent, nous on appelle à la justice, nous on appelle au bien-être, on appelle à faire le bien. On dit, la plus grande des injustices, vous la faites, qui est le fait d'attribuer ce qui revient à Allah autre que lui. Que vous rendiez compte ou pas. Ils se battent pour les droits de l'homme, mais le droit de leur Seigneur, ils n'en ont rien à faire. Surat Luqman, verset 13. نعم دونك سنقفنا اليوم وسنواصل في دروس الآتية القادمة إن شاء الله تعالى نعم فالحمد لله رب العالمين